Cet été, on est allé au bord de la Méditerranée. C'est comme à la piscine, sauf que l'eau y est salée. Cet été, on est allé au bord de la Méditerranée. C'est comme à la piscine, sauf que l'eau y est salée. Une nouvelle destination, ça fait plaisir aux enfants tant qu'ils vont pas chez les grands-parents. Chaque année on choisit une nouvelle destination, ça fait plaisir aux enfants tant qu'ils vont pas chez les grands-parents. Les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping. Au camping, faut choisir un emplacement, pas trop petit, pas trop grand, pour pas payer de supplément. À peine arrivé, les gamins courent à la plage pour faire des cendriers, ils ramassent des coquillages. Quand même une fois sur deux, on part visiter la région, on part à l'aventure sans descendre de la voiture. On rentre au camping après cette folle journée, camping inondé, va falloir déménager. Les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping, les joies du camping. Plage polluée, mer à souder. Quel bel été on a passé à Saint-Tropez. Ah ou, à Saint-Tropez. Les amours de vacances, les touristes adorent la France. Des pucelages, papanas, première infection vaginale. Coup de soleil, les abeilles, lui à regarder le ciel. La belote, les capotes, avoir de rechausser les bottes. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Samedi soir, tous les soirs, on va danser, on va boire, se saouler, faire la foire, voir qui traînait au plumard. Les enfants ont fugué, eux aussi veulent s'amuser. Apéro bien garni, une fessée, puis au lit. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping, du camping, les joies du camping. Plage polluée, mer mazutée. Quel bel été on a passé à Saint-Tropez. Ah ou, ah ou, à Saint-Tropez. La guerre des frontières avec le camping de derrière. Car dans l'heure sanitaire ça sent les fruits de mer. Après deux semaines on est bien reposé quand même. Et on n'est pas habitué à la vie de bohème. On commence à regretter son petit appartement. À vrai dire les vacances ça devient carrément chiant. On commence à regretter son petit appartement. À vrai dire les vacances ça devient carrément chiant. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping. Les joies du camping, les joies du camping.